votre temps, c'est à vous en direct. L'association Ralentir pour vivre sur Radio Gémozo, de midi à 13h, un mardi tous les 15 jours, nous sommes à votre écoute pour parler ensemble du syndrome d'épuisement. Bonjour chères auditrices et auditeurs, nous revoici en votre compagnie pour ce temps de midi. Bonjour Lia. Bonjour Catherine. Prête? Ah bah parfaitement prête, bien sûr. À aborder le sujet. Ah oui, et quel sujet tu nous as préparé là? Et quel sujet je vous ai préparé? Alors, vous savez déjà que l'association défend comme principe que l'individu n'a pas à se sentir coupable d'avoir été victime d'un burn-out. Jusque-là, je me répète. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Voilà, exactement. Donc, je me répète. Maintenant, aujourd'hui, le sujet va être le burn-out, et on enlève le mot burn-out, ouais. L'épuisement planétaire. Oui, l'épuisement planétaire. Alors, moi, je me suis beaucoup questionnée quand tu es venue avec ce sujet. Je me suis dit, mais l'épuisement planétaire, Kizako? Alors, moi, je vais te poser une question. Es-tu au courant qu'il arrive la moitié de l'année où on a déjà épuisé toutes les ressources qu'on aurait dû épuiser? Oui, tout à fait. Bon, ouais. Là, on est dans l'épuisement planétaire. Ouais. Maintenant, le sujet de l'épuisement pour les humains, on le connaît bien. Hein, ouais. On l'a tourné dans tous les sens depuis 3 ans. Oui. Eh bien, on est aussi dedans. Donc, maintenant, ce qu'on va regarder, c'est effectivement qu'est-ce qui se dit dans les hauts lieux ou dans des endroits où la parole est donnée à des scientifiques qui étudient la question. Qu'est-ce que ça veut dire, le burn-out planétaire? Alors déjà, j'aimerais partir sur la radio-télévision suisse romande qui a fait un sujet, ouais. Merci. L'obsession de la croissance encourage une économie du burn-out. Ah bah, tu m'étonnes. Là, on vient. Prévient un rapport de l'ONU. Donc là, on se trouve déjà dans des instances qui, normalement, parlent de choses sérieuses. Oui. Hein? Notre société est obsédée par la croissance économique, subit une crise de la santé mentale dans le monde qui touche particulièrement les plus défavorisés, a déploré jeudi le rapporteur spécial de l'ONU sur les droits de l'homme et l'extrême pauvreté. Son rapport titré « L'économie du burn-out » présenté jeudi à New York se penche sur le cercle vicieux entre problèmes de pauvreté et de santé mentale, la pauvreté pouvant être à la fois source et résultat de problèmes mentaux qui touchent quelque 970 millions de personnes dans le monde entier, selon l'Organisation mondiale de la santé. Donc, 1 milliard de personnes, ça veut dire quand même, en gros, plus de 10% qui seraient touchées par ce problème de charge mentale pour arriver à joindre les deux bouts. Hein, pour le dire dans d'autres termes, et de troubles à traiter et de mesures à prendre par les gouvernements, parce que ça, c'est un problème. Et donc, ce rapport a été publié le 24 octobre 2024, donc il y a un peu moins de 2 ans. Oui, j'imagine que ça n'a pas évolué favorablement. Non, okay. Et là, on se retrouve devant une évidence que l'individu n'est pas responsable de ce qui lui arrive. L'individu est dans un environnement délétère. Oui. En gros, j'aime bien cet exemple, bien que j'ai été reprise une fois sur les réseaux en me disant la honte à vous d'avoir employé cet exemple, parce que ça risque de donner l'idée à certaines personnes. L'histoire de la grenouille dans la casserole d'eau qu'on fait chauffer. Ah. Il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose à dire quand même. Hein. Petit aparté. Merci, Lia. Donc, nous serions, les êtres humains, des grenouilles dans la casserole qui chauffe et prêts à cuire sans s'en rendre compte. Tout à fait. Donc, ce fameux burn-out planétaire est un phénomène de société, c'est ce que nous disons au sein de l'association, et qui est dû à des fonctionnements de société, compétition, concurrence, enfin... Oui, rendement. Rendement et bien autres. Sûr. Ce serait, d'après... une audio là que j'ai trouvée, une maladie systémique. On va écouter. Ce que vous dites, c'est que vous avez mis beaucoup de temps à comprendre que vous viviez un burn-out. Vous avez même dû faire un séjour dans une clinique psychiatrique, ce qui montre aussi quand même à quel point le monde médical était encore plus dépourvu, en quelque sorte, à l'époque qu'aujourd'hui, pour faire face à ce phénomène des burn-out. Et à un moment dans votre parcours, une médecin vous dit « L'histoire d'un burn-out n'est pas celle d'une simple surcharge de travail, c'est la rencontre entre un individu singulier et un environnement délétère. » Elle est très forte, cette phrase. Comment est-ce que vous l'avez reçue? Et finalement, comment est-ce que vous faites désormais le lien avec cette responsabilité individuelle qu'on met beaucoup sur les personnes qui s'épuisent? Là où elle explique que c'est la rencontre entre une personnalité à un moment donné de sa vie et un environnement délétère, ce qu'elle nous dit, c'est qu'il y a une deuxième partie de l'équation. Et si, évidemment, l'individu en question, sa personnalité, son histoire de vie, on sait que ça touche, par exemple, des personnes qui vont être très engagées, avoir un sens de la justice, exacerbées, des valeurs extrêmement fortes. Donc il y a des personnalités plus à risque que d'autres, mais il n'y aurait pas de burn-out s'il n'y avait pas d'environnement délétère. Et la compréhension de cette deuxième partie de l'équation a été pour moi un élément clé de la guérison, on va dire, ou de la sortie du tunnel, puisque ça a été commencer à décrypter les causes. Qu'est-ce qui m'a amenée dans cette situation? En l'occurrence, j'ai travaillé avec cette médecin du travail, Agnès Martineau-Arbe, à faire un dossier de reconnaissance en maladie professionnelle. Et à partir de là, elle m'a expliqué qu'en fait, le parcours qui avait été le mien était vraiment un cas d'école et qu'on y trouvait tout ce qu'elle appelle les clés de compréhension ou les invariants de l'épuisement. On parle de burn-out depuis le début de l'entretien, mais il faut savoir qu'en français, on dit épuisement. Mmh. Et sur mon ordonnance, il était écrit épuisement physique, psychique et émotionnel total. On voit qu'il s'agit d'une maladie systémique qui arrive parce qu'il y a des causes systémiques. Et au bout de 2 ans, l'entrée dans la systémique du sujet a été vraiment pour moi salvatrice. Chères auditrices et auditeurs, vous l'avez compris. Alors là, on va répondre à une première question qui est souvent posée lorsque je donne des conférences ou bien que je m'adresse à du public. Est-ce qu'il y a des gens qui sont plus propices à... Ah oui, c'est vrai ça. Oui, seulement... Oui. Là, je trouve qu'on met le point dessus. Ben oui. La question n'est pas de savoir si quelqu'un est plus volontaire, si quelqu'un est plus dans le postulat de, je dirais, une mission, ou en tout cas si quelqu'un a un idéal. Le problème n'est pas là. Ben oui. C'est l'environnement dans lequel il est. Voilà, on remet encore la cause individuelle. C'est ça. Ouais. Donc, ça voudrait dire qu'on ne devrait plus avoir ni d'idéaux, ni de volonté, ni d'envie de mission, ce qui veut dire que toutes les belles personnalités qui ont fait des choses quand même très importantes au cours des derniers siècles seraient des mauvaises personnes. Mais non, c'est pas... Donc là, il faut bien partager le côté... OK, il y a peut-être des terrains où on va être plus poussé parce qu'on est perfectionniste. Ouais. Ou... D'accord, mais c'est pas la raison. Et il n'y a pas à se sentir coupable. Sinon, après, de toute façon, si on se sent coupable d'avoir eu beaucoup de volonté... Celui qui n'en aura pas, on va le rendre coupable qu'il est trop flemmard. Ah bah, de toute façon, c'est un petit peu comme ça, en fait. C'est le reflet pur de la société, là. On a toujours quelque chose à reprocher à l'autre, à qu'il fasse, c'est ça. Qu'il soit d'une façon ou d'une autre. C'est ça. Donc là, on entend Nelly Pons, qui a écrit un bouquin aux éditions Actes Sud, qui s'appelle « Le grand épuisement » en 2025. Elle avait également écrit, je l'avais acheté à l'époque, « Choisir de ralentir » en 2017. Elle a un parcours très intéressant parce qu'elle a étudié, je dirais, dans le fond même, le processus et les causes, ce qui est extrêmement important pour ne pas rester décalé par rapport à je dirais, des jugements. Ben oui. Et c'est ça, parce qu'on est en train de juger des gens, ils sont en burn-out, c'est comme s'ils étaient responsables. Combien de fois j'entends ? Moi, je ne serai pas en burn-out. Mais quand on regarde l'INRS, quand il nous explique la différence entre le stress ponctuel et le stress chronique, qui est en fait une manière d'être sous pression H24, qui nous fait avoir un dysfonctionnement hormonal, c'est pas un choix. Ben non. C'est pas un choix. Au contraire, notre volonté de ne pas soi-disant vouloir en burn-out va peut-être nous y faire plonger 2 fois plus vite. C'est pas faux, ça. Tu vois ? Donc là, je trouve très important qu'on arrive sur ce sujet parce qu'il y a des jugements qui sont, je pense, la plus grosse épine dans le pied des personnes qui sont en épuisement. C'est on me juge. Je me cache. Le nombre de témoignages qu'on fait, d'ailleurs, je rappelle, Ralentir pour vivre, il était une fois le burn-out, un dimanche par mois, le deuxième dimanche du mois. Eh bien, le nombre de témoignages qu'on fait en anonyme nous montre tout de suite que les personnes n'ont pas envie d'être reconnues. Donc, elles ne sont pas fières de l'histoire. Ben oui. Alors, je ne parle pas d'être fières, mais en tous les cas, elles préfèrent se planquer parce que ça risque de leur être plus... malheureux que bénéfique. C'est un peu le système de la victime, en fait, hein, oui. Qui a honte et qui, oui. Voilà, qui se sent coupable, finalement. Oui. Ouais. Et là, je dirais que le système de la victime, pourrait avoir un certain reflet psychologique important et tout. Seulement, dans le cas de l'épuisement qui devient mondial, qui devient planétaire, oui. qui devient un problème de société, mmh. il est urgent qu'on enlève ce facteur. Ben ça, c'est sûr. Oui. C'est urgent. Mmh. Là, on va écouter une autre petite audio. On prendra la musique plus tard, hein, parce que là, le sujet me passionne. Vous remarquerez que je suis trépine. Je trépine de vous faire écouter tout ce que j'ai entendu, parce que là, je trouve ça hyper intéressant. Là, on va parler du burn-out écologique, parce qu'il y a aussi l'éco-anxiété. D'accord. France Inter, la Terre au carré. Paloma Moritz, journaliste écologie et société pour Blast, c'est l'heure de votre lutte enchantée, Paloma. Oui, ces derniers temps, à chaque fois que je demande autour de moi comment ça va, on me répond « je suis fatiguée ». Vous n'êtes pas fatigué, vous, Mathieu ? Un petit peu, si. Moi, je suis épuisée. De passer des heures à analyser les dernières outrances de Donald Trump, à suivre à la trace les attaques de l'international d'extrême droite contre les scientifiques, les activistes, la démocratie. Fatiguée de lutter contre le fascisme, la désinformation climatique, pour que notre planète reste habitable ou juste pour qu'on continue à parler d'écologie. Tout ça pour récolter des « va manger du tofu avec Sandrine Rousseau » ou simplement « crève salope » sur les réseaux sociaux. Bref, je crois que l'on est beaucoup à en avoir marre de vivre dans une série d'anticipations, de se sentir impuissant, beaucoup à manquer de sommeil et d'énergie. Mais pour en retrouver, peut-être faut-il d'abord arrêter de culpabiliser. Accepter que ce n'est pas facile d'aller bien dans un monde qui va si mal. Que notre société flirte avec le burn-out et notre planète aussi. Ah oui, burn-out carrément, est-ce que c'est pas un peu exagéré pour la planète ? Eh bien malheureusement, je ne crois pas. Je le sais d'autant plus que je suis passée par là. Il y a un an, j'étais en arrêt maladie, incapable de travailler, de lire, consommer de l'intérieur. Les médecins spécialistes expliquent que dans le cas d'un épuisement professionnel, le corps finit par littéralement s'effondrer. Il y a souvent une sorte de point de rupture après une longue période pendant laquelle on néglige les signaux d'alerte, comme des vertiges, une anxiété permanente, une fatigue qui ne passe jamais, un manque d'élan, d'envie, des problèmes de santé. Si on transpose ces signaux d'alerte à ceux de notre planète, ils sont eux aussi négligés. Nous avons dépassé 6 des 9 limites planétaires et on accélère joyeusement. On épuise aujourd'hui nos corps, nos têtes, comme on épuise les écosystèmes qui nous permettent de vivre. C'est ce que démontre l'autrice Nelly Ponce dans son dernier livre, Le Grand Épuisement. Un jour, elle n'a plus réussi à se lever tellement elle avait tiré sur la corde. Plus tard, une médecin lui dit « L'histoire d'un burn-out n'est pas celle d'une simple surcharge de travail. C'est la rencontre entre un individu singulier et un environnement délétère. » Récemment, sur votre antenne, le docteur Adrien Chaboch expliquait d'ailleurs « Le burn-out, ce n'est pas l'épuisement d'une personne, mais la maladie professionnelle d'une société qui ne pense qu'à la performance et en oublie le sens de la vie. » Dans son livre, Nelly Ponce détaille les différentes phases qui mènent au burn-out. L'engagement, le surengagement et enfin l'acharnement qui mène à l'effondrement. Elle se demande si nous ne sommes pas en train de les traverser collectivement, ces phases. La phase de l'engagement aurait commencé avec la révolution industrielle, où l'on a développé la modernité, le fameux progrès, sans trop penser aux conséquences. Le surengagement correspond à la phase où la surconsommation a augmenté la pression sur les ressources, où les liens sociaux ont été abîmés par un capitalisme débridé. Les premiers symptômes sont apparus. Précarité, inégalité, pollution, érosion des sols, menaces sur les espèces. Désormais, nous sommes dans la phase de l'acharnement. Une 7e limite planétaire est sur le point d'être dépassée. Les symptômes sont devenus syndromes. Les maladies chroniques augmentent, la santé mentale se dégrade, la biodiversité s'effondre, les guerres se multiplient, l'extrême droite monte aussi vite que les températures. Et on peut donc se demander, y aura-t-il un effondrement ? En clair, la nature est en burn-out et le nombre de burn-out explose. Il concernerait près de 500 000 Français aujourd'hui, selon les chiffres officiels, mais c'est sûrement plus. Face à une planète qui brûle, on parle aussi de burn-out écologique, d'éco-anxiété, qui concerne, selon la dernière étude de l'ADEME, 4,2 millions de Français, un enjeu de santé publique. Et alors comment faire, Paloma ? Qu'est-ce que vous avez fait pour vous relever ? Pour sortir de mon burn-out, j'ai bien été obligée d'accepter que j'avais dépassé mes limites. J'ai dû apprendre à ralentir, à déconnecter, à renouer avec le calme et le silence. J'ai essayé de prendre le temps de me demander où j'allais, où je voulais vraiment aller, sans me consumer. C'est ce que tout le monde est obligé de faire dans ces cas-là et ça fonctionnerait aussi très bien pour nous en tant que société. Prendre soin de nous pour prendre soin du monde est plus nécessaire que jamais. Merci beaucoup Paloma Moritz pour Blast et à bientôt. Voilà, chères auditrices et auditeurs, donc on arrive, on va prendre une expression assez simple, là, c'est la fin des haricots. C'est la fin des haricots, oui. C'est la fin des haricots, voilà. Donc là... Mais c'est pas arrangeant, en fait, pour les dirigeants, pour les gouvernants, voilà, d'entendre ce genre de propos, comme c'est pas arrangeant pour un chef d'entreprise d'entendre que la manière de fonctionner dans son lieu est néfaste pour ses employés, etc. Oui. C'est mais juste... là, je rajouterai une couche à ce que tu dis, Lia. C'est-à-dire que l'employeur peut aussi se sentir mal par rapport à ça, hein, parce qu'on lui dit que c'est quand même l'environnement qui fait quelque chose. Mais en plus, il faut reprendre l'image, parce que c'est systémique, de l'employeur par rapport aux autres employeurs. Donc, il est plus ou moins dans les clous, moins pire que son voisin. Donc, ben oui, c'est un peu ça. Il est moins pire que son voisin. Allez, il se réconforte. Hein. Mais oui, mais à côté, c'est pareil. Celle qui vient d'arriver, ben, elle avait déjà eu des problèmes ailleurs. Je donnerai une anecdote. Ben, je suis presque peinée de parler d'une anecdote. Mm-hmm. Parce que pour moi, c'est un drame. Carrefour. Alors, peut-être que je vais me faire tirer les oreilles, mais bon, c'est passé dans la presse, donc je ne vois pas en quoi ce serait. OK, bien sûr, donc voilà. Tu peux y aller. Carrefour avait fait une campagne des caisses parfaites, c'est-à-dire les caisses sans caissière, hein, des caisses automatiques. Voilà. Et ils ont fait un espèce de concours au milieu de tous les Carrefour de France. Chaque directeur de son propre établissement mettait en place deux caisses vraiment dans l'esprit. Alors... Le gars qui avait ça, il y en a un, il avait même fait nettoyer la brosse dans les tapis, tout était mais vraiment luisant, reluisant, il avait fait exactement tout ce qu'on lui avait demandé, est arrivé le concours, il n'a pas été élu. Aïe. On l'a retrouvé le lendemain, il s'était tiré une balle dans sa voiture. Eh bien, durant le procès que la famille a fait, Carrefour a eu gain de cause. Pourquoi ? Parce qu'ils ont dit que cet employé était déjà en burn-out et qu'il ne s'était pas fait soigner. D'accord. Donc, je pense que dans ces contextes-là, ils se remontent le bobichon en se disant « mais ce n'est pas nous, c'est eux le problème, nous, on n'a rien à voir avec ça ». Et Télécom a été un cas d'école. Ouh là là, mon Dieu. Hein, voilà. Donc, toutes ces entreprises qui vont trop loin... Elles se réconfortent entre elles. Ben, c'est mieux que... c'est plus facile que de prendre ses responsabilités, en fait. Hein. Et puis en plus, quand on sait que quand des employés sont en burn-out, ça veut dire que l'étage du dessus y est déjà, ça veut dire que l'étage tout en haut y est, ce qui veut dire qu'ils ils sont dans ce qu'on appelle le déni. Or, le déni étant ce qu'il est, eh bien, ils ne reconnaissent pas et ils continuent à presser leur personnel d'une manière... vraiment mauvaise, inhumaine, voilà. Oui, et là, je voulais en arriver à... j'ai trouvé très intéressant, après, je vous ferai écouter encore... on se fera une petite musique quand même. Mais c'est cerveau et psycho, et je trouve très intéressant. Alors là, je vais juste vous résumer un peu. Imaginez-vous plonger dans une nouvelle d'Isaac Asimov. Dans son univers, des robots d'apparence humaine obéissent à trois lois immuables. La troisième précise qu'un robot doit être protégé, doit protéger sa propre existence tant que cela ne contredit pas les deux premières. Autrement dit, ne pas se mettre en danger, ironie tragique. Cette règle inventée pour les machines, aurions-nous oublié de nous l'appliquer à nous-mêmes ? Oh là là ! C'est gentil, hein ? Ouais. Aujourd'hui, les critères attendus de nos outils hyperpuissants, rapidité, réactivité, absence de faille, ont fini par déteindre sur ce que nous exigeons de nous-mêmes. L'ordinateur, le smartphone ou les systèmes numériques deviennent des étalons invisibles de notre efficacité, calibrés sur des performances non humaines, sans fatigue, sans lenteur, sans fluctuation émotionnelle. Résultat, nous sommes souvent au bord de l'épuisement, du burn-out. À force de vouloir fonctionner comme des machines rapides, infaillibles, inépuisables, nous oublions que la biologie a ses propres lois, le corps fonctionne par cycle, veille et sommeil, vigilance et repos, activité et récupération, la fameuse méthode sandwich là. Mais oui, tout voilà. À fait. Pourtant, sous l'influence de ce modèle technologique, nous percevons nos besoins de pause ou de sommeil comme des signes de faiblesse. Donc, il y a tout un changement dans l'esprit des gens. Donc, on voit ça comme des imperfections. Et cette quête d'hyper-efficacité redéfinit la manière dont nous jugeons en privilégiant la recherche d'instantanéité et de perfection plutôt que des rythmes biologiques plus lents, irréguliers, profondément humains. Là, on en arriverait à de l'écologie humaine. C'est vraiment ça. Hein. Parce qu'on est, comme tous les animaux sur cette planète. Hein. On a besoin d'être au rythme aussi des saisons, des journées même, de ne pas se surstimuler au moment où on devrait être en train de se reposer. Et j'entends beaucoup de gens, si je peux dire comme ça, qui me disent « j'ai pas le temps de me reposer, j'ai pas le temps d'être malade ». C'est ça. Mmh. Ah ben ça, c'est courant. Hein. Ouais. C'est courant. Là, on voit un cheminement dans l'esprit et la façon de voir, ce qui est quand même... je dirais, pas affolant, mais qui fait peur. Oui. Parce qu'on serait en train de transformer la façon de voir pour arranger ce qu'on est en train de mettre en place, c'est-à-dire de déshumaniser l'humain sous prétexte qu'il est en confrontation avec le robot. Non, mais... En concurrence avec le robot. En concurrence avec le robot. Ouais, ouais. Là, je trouve que c'est pas évident. C'est tout le, le principe de l'IA, ce truc-là. Oui, l'IA, oui. Vous les hommes êtes tous les mêmes, macho méchi, bande de mauvais et infidèle. Si prévisible, non, je ne suis pas certaine. Que tu le mérites, avez de la chance qu'on vous aime. Dis-moi merci, rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain élément. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Facile à dire, je suis gnangnang, et que j'aime trop les blablabla, mais non, non, non, c'est important. Pourtant, ce que t'appelles les ragnagnas, tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent, mais pour les élever, il y aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle, ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens, il n'y a que Kate Moss qui est éternelle. Moche ou belle, c'est jamais bon. Bête ou belle, c'est jamais bon. Belle ou moi, c'est jamais bon. Moi ou elle, c'est jamais bon. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, et y'en a marre, oui, tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, et y'en a marre, oui, tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, et y'en a marre, oui, tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, et y'en a marre. Voilà, chères auditrices et auditeurs, bon, il n'y a pas franchement de lien entre cette chanson et le sujet dont on vient parler. Bah, c'est jamais beau, c'est jamais bon. Oui, voilà, mais on en a marre. Hein. Je dirais le dernier mot, et on en a marre. C'est un peu ça l'idée, on en a marre de courir et de courir. C'est ça, c'est de se faire presser. C'est ça, c'est intéressant de voir, je dirais, le côté face du burn-out, parce qu'on le regarde du côté pile, l'individu qui a le burn-out. Okay. Mais le côté face, c'est la société qui le cultive. Tout à fait. C'est une culture. C'est un vrai bouillon de culture en ce moment. Ouais, ouais. C'est-à-dire que tout le monde est dedans. Et même en tant que représentante de Ralentir sur vivre, pour vivre, Ralentir pour vivre, pas survivre, Ralentir pour vivre, eh bien, même que j'habite au fin fond du monde... Il arrive des moments où je me sens harcelée par des demandes extérieures. Oui, oui, oui. Je ne suis pas plus protégée que les autres. Hein. Ben, c'est la société, on en a déjà beaucoup parlé. Hein, c'est les réseaux sociaux, c'est l'immédiateté dans les réponses. C'est ça. Ça va toujours, toujours de plus en plus vite. On est beaucoup à dire qu'on ne voit plus le temps passer, les mois passent. C'est ça. Ouais. Oui. Là, on va écouter 30 secondes intéressantes, mais j'aime bien cette intervention de 30 secondes-là. que moi qui le dis, hein, c'est la CIA, le GIEC, le Forum économique de Davos. Donc c'est le moment de la polycrise, de la permacrise. Donc ça fluctue. Donc la deuxième élément de l'équation, c'est de se demander mais pourquoi ça fluctue. On va vraiment rentrer dans un monde beaucoup plus turbulent que ce qu'on a vécu, enfin que les humains ont vécu ces 10 derniers milliers d'années. Ben, la cause majeure pour moi, c'est notre culte pour la performance. On a tout suroptimisé et donc tout devient très fragile. Parce qu'en fait, c'est un épuisement planétaire qui est aussi le burn-out des humains, le burn-out de la planète, quoi. Donc ça, et ça, c'est le produit de la performance. Voilà, le produit de la performance. Vous aurez reconnu la voix de Jean-Marc Jancovici. Mm-hmm. Hein, et donc, lui, il parle du produit de la... Donc, on est au bout dans un épuisement de planète. Hein, de toute façon, on sait qu'on utilise trop de choses par rapport à ce que la planète nous fournit. On le sait, mais on continue. Et l'être humain, on sait qu'on est en train de l'épuiser. Mais alors, est-ce qu'on prend comme... je dirais comme sécurité de se dire qu'il peut être remplaçable par des robots? Je ne sais pas quoi dire. J'ai testé dernièrement, parce que j'ai écrit, je me suis remis à écrire, j'ai testé dernièrement sur mon ordinateur la prise de dictée orale. Ok, dictaphone. Oui. Le dictaphone, on n'est encore pas au bout de nos peines. Hein. Ah oui. Ah non. Parce que le nombre de fois qu'il ne comprend rien du tout, je me dis que là, on n'est encore pas au bout de nos peines. Donc, on espère qu'ils nous remplaceront, mais je ne pense pas que ça va être demain la veille. J'espère pas que ça arrivera. Non. Est-ce que c'est reconnu de santé publique, un problème de santé publique, l'épuisement, le burn-out? Alors, c'est reconnu par l'État comme étant la santé mentale. Oui. Okay. Mais pas le burn-out particulièrement. Ok, d'accord. Mais la santé mentale a été en 2025 le phare du gouvernement et ce sera encore en 2026. Oui, alors, sous santé mentale, ils mettent l'épuisement. Ok. Donc, il faut savoir que ça peut être reconnu par les médecins et par la sécurité sociale en tant que certificat médical, en tant qu'épuisement physique, psychique et émotionnel, mais pas en tant que burn-out, ça n'existe pas. Voilà. Okay. Mais ce n'est pas identifié encore un problème de santé publique, quoi. Non. Ok. Non, ce n'est pas identifié. Je vais répondre à la Normande. Ce n'est pas identifié, même si on l'a identifié. Oui, oui. Ah, oui. Ce n'est pas officiellement. Ce serait intéressant de savoir pourquoi. Ben parce qu'à mon avis, il y a des lobbies qui ne sont pas très d'accord à l'identifier. Oui, bien sûr. Ouais. Là, justement, alors on va écouter quelque chose que je trouve intéressant. Je ne pense pas me tromper d'audio, sinon on écoutera la suivante. Mais là, c'est intéressant, justement, il parle de la reconnaissance. Un salarié sur trois est déjà passé par la case burn-out, malgré des procès retentissants comme celui de France Télécom. Les entreprises françaises ont beaucoup de mal à changer leurs pratiques. Bonsoir Jean-Claude Delgène. Bonsoir. Vous êtes président fondateur de Technologia. C'est un cabinet spécialisé dans la prévention des risques professionnels. En d'autres termes, vous êtes là pour repérer les signes alarmants dans les entreprises. Ce mal du siècle n'est toujours pas connu comme une maladie professionnelle. C'est votre combat à vous depuis des années. Qu'est-ce que ça changerait ? Le fait de reconnaître, c'est reconnaître déjà que la pathologie, la psychopathologie qui est liée en fait au travail soit vraiment affectée pour ses causes à l'activité professionnelle. Là, on considère que les gens qui sortent de l'entreprise, qui sortent du service public, parce qu'il y a aussi pas mal de burn-out, enfin, ce que je préfère appeler syndrome d'épuisement professionnel, sont effectivement eux-mêmes fragiles, sont eux-mêmes en difficulté au niveau de leur santé. On considère que le problème vient d'eux-mêmes, alors qu'en fait, ils ont été fragilisés. Et donc, reconnaître permettrait de déjà démontrer qu'il y a une cause organisationnelle, managériale. Oui. Tandis que là, il n'y a pas de reconnaissance. Donc, en fait, ces gens-là sortent, ils sont en indemnité journalière, ils sont à la charge de l'assurance maladie et on ne peut pas caractériser les facteurs qui sont à l'origine du trouble. Justement, Jean-Claude Delgène, on peut peut-être rappeler les principaux symptômes déjà du burn-out. Comment on le repère ? Alors, le syndrome d'épuisement professionnel, ce qu'on connaît en fait sous le nom de burn-out, c'est en fait un épuisement à la fois physique, psychique et émotionnel qui vous donne différents symptômes. Les symptômes, ça peut être une fatigue intense. Le corps est bien fait. Quand vous êtes très fatigué, vous dormez un peu, en général, vous récupérez. Quand vous êtes vraiment en épuisement professionnel, malgré, je dirais, des nuits de sommeil, vous pouvez ne plus récupérer. Alors, vous avez d'autres facteurs, d'autres symptômes, par exemple, l'irritabilité, l'agressivité, je dirais, la prise de poids, les manifestations cutanées. Il y a, en fait, une multitude, je dirais, de symptômes qui peuvent venir à l'individu et qui doivent l'alerter parce que le corps envoie des signes. envoie des signes pour dire attention, on va trop loin, etc. Enfin, il faut faire une pause, il faut éloigner, mettre un petit peu à distance ce travail pour ne pas exposer sa santé. Mais être irritable, très fatigué, pas forcément lié au travail. Quelles sont les causes? Comment est-ce que justement les causes. Alors en fait, vous avez un double phénomène, si vous préférez. Le premier phénomène, c'est ce qu'on appelle le travail excessif, les sollicitations démesurées de l'individu par l'employeur. Ça, c'est le premier phénomène. Et il peut se combiner avec un second phénomène qui est le travail compulsif, c'est-à-dire l'individu qui se dit « je ne peux pas ne pas travailler beaucoup », qui travaille énormément. Pourquoi on fait du travail compulsif? Eh bien, il y a deux causes fondamentales. La première, c'est les gens essayent par leur activité débridée de se protéger de certaines précarités. Il y a dans ce pays, depuis la fin des années 70, un chômage de masse, une précarité qui est très présente. Il y a aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, 2500 personnes qui dorment dans le métro à Paris. Dans les 2500 qui dorment dans le métro, vous en avez à peu près 20% qui ont un job. Vous voyez, donc, cette précarité, les gens essayent, en fait, de l'éloigner en travaillant démesurément. Quand vous avez les deux qui se combinent, ça peut ne pas se combiner. Mais quand elles se combinent, vous êtes là dans une situation où vous rentrez dans un processus qui va vous conduire au final à l'effondrement. Oui, donc là, vous parlez de ce travail qui nous cannibalise. Vous parlez aussi des gens prisonniers de l'informatique. Vous parlez de laisse électronique. On est tenu en laisse par l'électronique. Oui, en fait, on ne sort jamais du travail. Aujourd'hui, quand vous êtes dans l'économie de la connaissance dans laquelle nous sommes entrés depuis maintenant 2007 avec les plateformes, je dirais, électroniques, on se retrouve non plus à aller au travail et à sortir du travail, on est connecté en permanence à son travail, à des projets. Et donc, il y a une porosité, alors même avec les différentes lois qui ont été mises en place, qui sont positives, hein, par exemple le droit à la déconnexion, mais en fait, on voit bien que lorsque vous avez une charge de travail qui est démesurée, eh bien, il faut utiliser d'autres plages qui sont réservées habituellement à la famille, à la sociabilité, aux loisirs, etc., pour pouvoir effectuer son travail. Donc, en fait, le travail, la toute-puissance du travail, à cause de la laisse électronique, cannibalise toutes les autres activités. Voilà, chères auditrices et auditeurs. Donc, ce qui pourrait expliquer, je dirais, l'épidémie de burn-out qu'on rencontre, d'épuisement qu'on rencontre, parce que ça fait à peu près, on va dire, 15-16 ans où on est en laisse. Oui. C'est-à-dire que, on se contrôle, on est sous contrôle total. Oui, oui. Et ça, c'est à prendre en compte. Et on veut aussi que nos enfants soient aussi en contrôle total. Et on nous attise des peurs? Ou est-ce qu'on nous donne de la sécurité? Je ne sais pas. De toute façon, moi, je suis plutôt à dire qu'on est dans une société qui attise les peurs, hein, justement, hein, même avec la désinformation, etc. On est un peu dans ce système quand même. Pas trop qu'on réfléchisse, quoi. Cerveau et Psycho, ils disent le burn-out est devenu phénomène de société. Parfois comparé à une épidémie, ses effets touchent toutes les dimensions de la vie. Sur le plan psychologique, il se traduit par un épuisement émotionnel intense, une anxiété accrue et un sentiment d'insuffisance. C'est cette perfection, mais on la met plus loin. Je vois par exemple les intérieurs des nouvelles maisons ou des jeunes, c'est blanc et gris. Ouais. Et c'est, il y a un aspirateur qui se promène tout seul. Non mais sérieux, sérieux. On désinfecte la salle de bain avec du produit H24. Non mais sérieux, on va dans un perfectionnisme qui fait presque peur. Oui, oui, oui. Donc là, psychologiquement, il maintient le corps en mode alerte prolongée, activation excessive du système nerveux sympathique, altération de la sécrétion de cortisol, réduction des phases de récupération profonde, signe que le repos de l'esprit est indispensable à la régénération du corps. Mais on ne peut pas se reposer l'esprit avec la forme d'information, enfin la masse d'informations qu'on a. Ouais, ouais. Et puis on est vraiment, si on ne fait pas attention, on est vite prisonnier de tout ça en fait. C'est ça quoi, c'est un cercle vicieux. Oui, et puis alors, est-ce que les jeunes générations sont plus touchées? Ils évoluent dans ce monde-là, on en a beaucoup déjà discuté, ils évoluent dans ce monde-là, donc ils appréhendent les choses différemment. Après, pour moi, ils sont touchés de plein fouet tout de suite, en fait. On fait, au sein de l'association, de la prévention dans les écoles. Nous sommes allés au CFA Épinal et puis on a eu des classes de jeunes entre 15 et 17 ans. très intéressant. Donc, en finale, je leur présente le film de l'INRS avec le cortisol, que vous pouvez d'ailleurs trouver sur notre site ralentirpourvivre.org, dans présentation, le mécanisme du stress de l'INRS. Et c'est sûr que quand on pose la question, en finale, je leur pose la question, qui est-ce qui dort moins de 6 heures par nuit ? La moitié lève la main. Sur 21, il y en avait la moitié. Surtout qu'on sait que chez les jeunes, la sécrétion de mélatonine, l'hormone qui permet l'endormissement, elle est vraiment différente à ce moment-là. En fait, elle est produite différemment, diffusée différemment dans le corps. Donc, du coup, ils ont vraiment des gros problèmes à ce niveau-là. Enfin, en tout cas, ça peut engendrer des gros problèmes. Et puis, la stimulation écran, on le sait, juste avant le sommeil, c'est pas bon. Non. Eh bien, Albert Moubiker, qui est un neurologue, un docteur en neurologie, explique que moins 6 heures, c'est faire de la maltraitance pour son corps, parce que c'est comme si on passait une nuit blanche. Oui, et puis en plus, tu as une dette de sommeil que tu peux très difficilement récupérer, rembourser. Oui. Ça ne se passe pas comme ça. On se dit, je ne dors pas trop cette nuit, mais je récupérerai demain. Non. Et plus l'âge passe, en plus, et plus tu as de difficultés à récupérer cette dette de sommeil. Et ça met vraiment parfois plusieurs semaines, plusieurs mois pour récupérer totalement. Et on sait aussi que si tu ne dors pas avant minuit, ton taux de récupération, il y a un pourcentage vraiment réduit sur le taux de récupération. Le mieux, c'est même de s'endormir presque avant 22 heures. Oui, le docteur Koifi, qui est dans notre association, explique que quand on est en épuisement, la première chose, c'est déjà d'aller voir un médecin généraliste pour lui demander quelque chose pour dormir. Oui. Il y a un produit qui s'appelle l'Atarax, qui est on n'a pas de dépendance affective. ça pourrait. J'aime bien les lapsus. Petite dépendance affective aux médicaments. Ouais, voilà. Et puis, ça permet déjà de retrouver le sommeil. Et après, on peut commencer à discuter sur une remise en forme et tout. Ouais. Mais il faut commencer par le sommeil. Et dormir, alors aussi, le facteur qu'il faut savoir, c'est, je vais le dire lentement, plus on est fatigué, moins on dort. Moins on dort, plus on est fatigué. Plus on est fatigué, moins on dort. Moins on dort, plus on est fatigué. Aïe, aïe, aïe. Je le répète combien de fois? C'est bon. C'est un cercle vicieux. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes m'ont dit, nous, ça suffit, avec 3-4 heures, j'ai assez. Non, ils sont sans arrêt sous cortisol. Alors évidemment, comme je leur ai dit, à 15, 16, 17 ans, vous avez encore les ressources pour maltraiter votre corps sans qu'ils se plaignent. Tu n'as pas épuisé toutes tes ressources comme on le fait avec la terre, t'inquiète. C'est ça, voilà. Ouais. Et puis, j'ai employé une expression, ils m'ont tous regardé, j'ai vite changé. Je leur ai dit, t'en vas la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se casse. Là, ils n'ont pas capté. Je pense qu'ils n'ont pas la référence. Ils n'ont pas la ref. J'ai 67 ans, je leur ai dit, attendez, c'est grand-mère qui vous a dit ça. Non, essayez d'en trouver une plus à votre âge. Plus vous tirez sur la corde, puis elle va casser. Ah là, ils m'ont dit, on a compris. Donc voilà, donc c'est certain que les jeunes sont, à mon sens, beaucoup plus touchés qu'on ne l'imagine. On nous parle de 15% des jeunes qui soient touchés par officiellement le burn-out. Bah ouais. Et nous, on a un jeune dans une classe qui est en sortant, il a laissé sortir toute la classe. Durant la séance, il n'est pas intervenu. Et il a laissé sortir tout le monde, il est venu vers nous et il m'a dit, madame, je suis en burn-out. Il dit oui, je suis suivie par des médecins, médecins, médecins. On me dit que je suis en dépression. Mais là, j'ai compris dans toutes vos explications qu'en fait, je suis en burn-out. Mon patron me demande de travailler 60 heures par semaine. Oh non, là, c'est pas possible. Bah oui, un apprenti. Bah voilà. Donc, on se trouve quand même avec des jeunes qui sont, je dirais, bien confrontés. Et peut-être que ce sera comme la cigarette, l'alcool et autres. On attendra 40 ans avant que ça ne bouge. J'espère pas. Moi non plus, j'espère pas. Donc, dans tout ça, on va se faire une petite pause musicale, question de s'aérer les neurones. Tu m'étonnes. Allez. Une graine qui tombe sur un gramme de terre. Una grana che si innesca in un grammo di terra. Qui se bat et qui monte tout droit vers la lumière. Che chavole qui monte tout droit cap à l'estero. En buvant aux averses, en évitant les coups. Et plus la pluie pour baby, vos poupes par les coups. des gens qui la renversent, des vents qui la traversent, et qui restent debout. C'est l'histoire du monde, t'en verras pas la fin. La racine est profonde, c'est d'elle que l'on tient. La fièvre et le courage de jamais renoncer. C'est tout sauf un mirage. Un jour de son feuillage, tu entendras glisser. Un autograno che è tuo, su un autogramma del terra. E se io che inzamparo e fa avanzare, un maro qua ronta, un lacre von guago, già rai con la pancena. Notre terre, chères auditrices et auditeurs, important de se rappeler que nous vivons sur Terre. Nous ne sommes pas tout encore sur Mars. Non, tout à fait. Mais j'espère jamais, en fait. Oui, ça ne me donne pas trop, très envie. Oui, moi, pareil. Voilà. On va parler d'un monsieur qui s'appelle Olivier Hamant. Mm-hmm. H-A-M-A-N-T. Okay. Ce chercheur français en biologie et biophysique, à partir de ses travaux, il prône un modèle de société qui s'inspire du vivant et dont les principes soient en conséquence guidés par la recherche de la robustesse plutôt que par celle de la performance. Il est directeur de l'Institut Michel Serres. Et il a été interviewé et il dit « Sortir de la performance pour embrasser la robustesse avec joie ». Et là, il parle de dérailler du culte de la performance, dérailler, sortir du rang, sortir des rails. Il ne mâche pas ses mots. Il dit « Nous sommes passés du too big au too fail et du too big à not too fail, du alors, je traduis, du trop gros au trop faible et du trop gros à pas trop faible. En cherchant toujours plus d'efficacité, nous avons construit des systèmes si optimisés qu'ils se brisent au moindre choc. » De Boeing à Evergrande, les symboles du succès se révèlent fragiles. Le monde de la performance est épuisé, tout comme les humains qui le portent. Donc, le monde de la performance serait à bout de souffle. Ah bah tant mieux. Donc, il faudrait dérailler de ce mode-là. Bah voilà. Donc, mais... Attention à la casse, quoi, c'est ça, oui, en fait. Oui, je le vois quand même. Ouais. Parce que dans les woofers qu'accueille Ralentir pour vivre, on a énormément, mais une majorité de gens qui ont... des professions diverses et multiples qui disent ben nous soit ils sont à la retraite, ils disent nous on veut vivre autre chose, ouais. Soit ils sont étudiants universitaires avec des masters, des en tout, hein, et ils disent ben nous on veut bien travailler mais autrement, Mmh. On ne veut pas travailler comme ça. Beaucoup de gens qui viennent vers nous en tant qu'association Ralentir pour vivre pour nous expliquer que la vie, ils ne veulent pas la vivre sous cette pression et qui chercheront plutôt à diminuer leurs besoins. Parce qu'on dit quand même que le premier argent économisé, c'est celui qu'on ne dépense pas. C'est vrai. Oui, donc on peut réduire ses besoins. Et donc, il dit donc ce charmant Olivier Hamant, que, en fait, le monde de la performance est épuisé, tout comme les humains qu'il porte. Le burn-out planétaire est le symptôme de ce culte. Donc, on est bien, à l'inverse, la robustesse ouvre un autre chemin, celui des marges, de la diversité, du compromis. Le monde devient fluctuant, donc il faut être robuste. Pour être robuste, il faut reléguer la performance au second plan. Alors, je pense qu'il y a beaucoup, il donne un exemple pour donner chair à son propos. Hamant cite la boulangerie Néoloco à Rouen. Son fondateur, c'est un exemple anecdotique, mais qui a quand même sa force, on va dire, d'exemple. Ingénieur devenu artisan a choisi un four solaire, une idée poétique. Hein. Donc le gars, il était parti dans son délire, comme on en voit beaucoup, hein, qui part dans des délires de ne plus aller pas avec la performance, mais d'aller plutôt avec d'autres principes. Mais risqué dans une région peu ensoleillée, hein, puisque lui, il était dans, il pouvait pas faire son pain tous les jours. Donc, il a inventé un pain qui se conserve 7 jours. Et c'est incroyable. Ce choix technique a entraîné une transformation culturelle. La lenteur est devenue une force. Le levain monte doucement. Le pain se garde. Le modèle est sobre et joyeux. Il n'a pas trouvé une solution technique, mais une solution culturelle. Oui. Donc, je pense que l'exemple est intéressant pour ça. Un changement culturel. Oui. Eh bien, je le prendrai dans mon quotidien. En tant que changement culturel, je n'achèterai plus de légumes dans un supermarché. Oui. Je vais, depuis 15 ans, 10 ans, dans les circuits courts. Oui. Et culturellement parlant, j'ai changé complètement de façon de fonctionner. C'est-à-dire que les circuits courts sont, à mon sens, logiques. Je ne rentrerai plus en matière d'acheter, par exemple... Oui, tu t'es déshabituée. Quoi. Voilà. Ouais. Une mangue qui vient du Pérou. Oui, oui. Là, tout de suite, je me dis, ah non. Un avocat qui vient d'Espagne. Ah ben non, non plus. Parce que je sais les mauvaises conditions dans lesquelles... Donc, je prends en compte. Donc, c'est un changement culturel. Oui, oui. Donc, à force de petits changements culturels, ça donne quelque chose. L'échange qui suit illustre la richesse du sujet. Dans la salle, les dirigeants de SCOP et de SCIC racontent leurs propres pratiques. Le soutien mutuel en période difficile, la gouvernance partagée, les réserves impartageables qui renforcent la stabilité. L'un parle de résistance, un autre de raison d'être. Hamant réagit, la résilience, c'est la capacité à tomber et à se relever. La robustesse, c'est la pulsion de vie. Pour lui, la robustesse ne se limite pas à rebondir après un choc, c'est la capacité à rester vivant dans la turbulence permanente. Et là, je parle à tous les gens qui sont en épuisement. Je pense que c'est... Alors, j'ai une petite, une toute petite audio, mais que j'ai beaucoup aimé. Parce que quelque part, ça nous amène, on va dire un point positif, parce qu'on a tendance quand même à parler de sujets qui sont très « sortez vos mouchoirs oui, », hein. Oui. On ne va pas se mentir. Mais c'est vrai que l'intitulé de l'audio m'a posé questionnement tout à l'heure, je me suis demandé si j'avais bien lu. Oui, effet positif. Ce qui est le côté extraordinaire du... Et on revient sur le burn-out, hein, avant de revenir sur, les, sur la haute fonction publique et comment on a pu créer un tel monstre. Le côté, le renversement extraordinaire qui s'opère dans le burn-out, et c'est ce que j'explique aussi dans mon livre à un moment donné, c'est qu'il nous rend infiniment plus lucides sur la situation de notre société aujourd'hui. Et finalement, il crée des résistants. Il crée des résistants qui dénoncent et qui ont une grande lucidité sur ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Et finalement, c'est ce que je fais. Voilà. Donc, c'est aussi ça qui peut protéger en décrivant, en analysant ce qui se passe, parce qu'on l'a vécu dans sa chair au plus profondément. Voilà, dans sa chair au plus profondément. Donc, en quelque sorte, j'ai envie de dire, toutes les personnes qui ont été victimes d'un burn-out, tenons-nous la main et formons un cercle de résistants Mais oui. Et que ce cercle de résistants a beaucoup plus de force que de vouloir changer le monde, parce que indirectement, la façon de réagir, et d'ailleurs on l'a vu dans moult et moult témoignages, les personnes en principe changent d'activité, ou en tout cas de façon d'être actif, ou en tout cas de façon de voir la vie. Et donc, c'est effectivement des pas sur la résistance qui est important. Donc oui, ça t'a interpellé, hein, ce titre. Bah oui, je me suis demandé, bon, effet positif du burn-out. Bon, c'est sûr que quand tu es dans un certain état d'esprit, tu te dis que tout est une expérience, tout est apprentissage. Donc, pourquoi pas le burn-out, mais ça laisse perplexe, hein. Fallait l'entendre. Dis la vérité, voilà, ça laisse perplexe. Non, c'est pas perplexe, mais on l'oublie. Je pense que, voilà, quand on est confronté, il y a beaucoup de douleur aussi, tu l'as dit, hein, c'est beaucoup... Beaucoup de souffrance. Ouais, beaucoup de souffrance, donc forcément on s'attarde pas. Puis en plus c'est très impactant, c'est un peu c'est un peu une épidémie, voilà. Donc c'est, quand on voit comment ça se propage, etc., on se dit bon, les effets positifs quand même, on les voit pas de prime abord. Non, quoi. Je suis d'accord. D'ailleurs, quand je suis tombée sur cet audio, je me suis dit, ah, je vais quand même la prendre parce que elle a un côté positif. Alors, ce que j'ai envie de dire, ça, je m'étais fait remonter les bretelles à une conférence une fois, sèchement, parce que j'avais dit c'est un mal pour un bien. Alors là, je m'étais fait remonter large les bretelles, pire qu'avec la grenouille dans le bocal. Hein. D'accord, alors je ne pense pas que tout le monde peut l'entendre. Je pense qu'on peut être, comme tu l'as signalé, et il faut le reconnaître, dans une telle souffrance. Et le problème de l'épuisement, c'est que la souffrance n'est pas visible. Oui, tout à fait. 90% des gens ont déjà le phénomène de recul, c'est-à-dire qu'ils se reculent de la société, on ne les voit pas. Mmh. Ils ont cette invisibilité qui s'octroie, quoi. Et voilà, qui s'impose. Voilà, c'est tel mot que je cherchais, qui s'impose. Et à partir de ce moment-là, c'est difficile, quand on est dans cette souffrance, de voir autre chose. C'est certain. Maintenant, c'est aussi une partie, quand les personnes ne voient pas le changement, c'est le déni. C'est-à-dire que, je t'ai déjà raconté, quand je vois quelqu'un stressé qui me dit « c'est bon, je gère ». Moi, rien qu'avec ces deux mots, je prends la personne dans les bras et je dis « je comprends ». Avec beaucoup de compassion. Parce que « je gère » veut dire « je suis dans la merde jusqu'au cou et je ne m'en sors pas ». En gros. Donc, c'est vrai que quand on est dans cette phase, c'est évidemment pénible, c'est beaucoup de douleur, c'est une grande difficulté à vivre ce moment-là. Et puis, ça peut durer longtemps. C'est ce qu'on a aussi dans les témoignages. Souvent, les médecins mettent 15 jours d'arrêt. La personne dit « Oh là là, mais je ne peux pas m'absenter 15 jours du travail ». Ouais. Bon, d'accord, ok. Au bout de 15 jours, elle n'arrive toujours pas à sortir du lit pour aller bosser. Le médecin remet 15 jours. Et on a vu Mario qui était professeur, là, bout de 6 mois, le médecin a dit « Bon, ben, maintenant, c'est à vous de choisir ». Et puis, c'est lui qui avait dit « Ben non, écoutez, je suis d'accord de rester encore un mois ou deux tranquille ». Donc, il avait compris la nécessité de réduire. C'est important parce que... là, il parle dans le scoop de Olivier Amand. Il dit « La robustesse n'est pas une méthode de gestion, c'est une culture. Pour y entrer, Amand propose plusieurs levées simples. Il dit qu'il faut faire un audit de robustesse en listant les contre-performances qui font la force du collectif. » Donc là, on voit que quand on est en épuisement ou en burn-out, c'est la force du collectif qui nous entoure qui va faire la différence. Valoriser la pause, les lenteurs, les apprentissages partagés. La rentabilité n'est plus corrélée à la performance. Et là, j'en parle dans mon bouquin « Il était une fois le burn-out ». C'est de dire, c'est une histoire de baignoire, combien de litres à l'heure, c'est-à-dire combien il me faut pour arriver à avoir mon toit et à manger. Ok, comment est-ce que je peux m'en sortir? Chômage ou même RSA, ou enfin bref, comment est-ce que je peux m'en sortir? Il faut aussi qu'on rentre dans ce qu'on appelle des communautés apprenantes, c'est-à-dire se rencontrer entre personnes. Là, prochainement, je tiens à l'annoncer, Odile en bonne santé à Docel organise un café contact bientôt. Et nous allons juste, parce que nous n'organisons aucun café contact, puisque nous ne faisons aucun soin au sein de l'association. Nous ne faisons que de la sensibilisation et de la formation. Par contre, nous allons faire une présentation et une fresque du burn-out ce vendredi à 19h30 à Docel chez Odile en bonne santé. Okay. Vous pourrez nous retrouver là-bas. Donc aussi se retrouver, en discuter, en parler. Souvent, quand je prends des témoignages, on me dit, la personne me dit, ah, ça m'a fait du bien d'en parler. Je la rentends 3 jours après, elle me dit, vous savez, pendant 2 nuits, j'ai mal dormi, mais ça m'a fait quand même du bien de pouvoir mettre des mots sur ce que j'ai vécu. Bien sûr. Donc ça, c'est important. Eh bien oui, c'est important. Et si finalement, penser comme le vivant, hein, c'est simplement réapprendre à être vivant, nous aussi, c'est-à-dire que de voir dans ce burn-out planétaire le problème qu'il y a avec le vivant et s'inclure dans le vivant. Qu'est-ce que tu en dis, Lia ? Avec tes promenades tous les matins. Moi, le petit jogging qui fait du bien, hein, ça c'est sûr. Se sentir dans son corps, en fait, parce qu'on est des animaux qui cérébralisons énormément ce que l'on vit. On a l'impression, des fois, moi, j'ai l'impression de n'être qu'une tête. Voilà. Voilà. Et là, je me dis, il y a un problème. Hein, parce que du coup, j'ai oublié le reste de mon corps et tout ce que ça implique, donc, avec. Et se réapproprier son corps, se sentir vivant, comme tu le dis, ça passe aussi, moi, je pense, par l'activité physique, parce qu'on se ressent à nouveau. Alors, bien sûr, quand on est un petit peu avancé dans le processus du burn-out, l'activité physique devient très compliquée. Mais si on arrive à sentir les prémices avant, eh ben, je pense que ça peut amener une vraie soupape. Alors, ça ne résout rien, j'imagine. Hein, mais ça peut quand même... éviter le pire. Voilà, éviter le pire. Et puis, c'est-à-dire, tu nous avais expliqué quelque chose de très intéressant, c'était que le burn-out, ce n'est pas tout blanc, tout noir. C'est beaucoup de nuances. Il y a des moments où on est vraiment dans le sombre, dans le profond des choses. Il y a des moments où on pense qu'on en est totalement sorti, mais ce n'est que fiction. Voilà, il faut faire attention parce qu'on a tendance... Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, hein, les hormones, etc. Mais les petits shoots d'adrénaline comme ça. Oui. Mais il faut faire attention, ne pas se dire tout de suite, dès qu'on se sent un petit peu mieux, un peu reposé, parce qu'on a décérébralisé, parce qu'on a déconnecté, hop, on y retourne. C'est vraiment le gros piège. Ça, je pense que tu as mis le point et le doigt sur ce qui fait mal. C'est-à-dire qu'on n'est pas en burn-out où on n'y est pas. Oui, c'est ça. J'entends, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir. Ouais. On peut être plus ou moins épuisé et faire attention quand on reprend la pêche, de ne pas retourner au turbin H24. Si on reste dans son propre... si on reste toujours dans le même cercle, dans la même dynamique des choses, on va forcément retourner dedans, quoi, même si on n'a pas envie de se l'avouer. C'est ça. Il y a quelque chose, il y a une citation qui dit « Si tu veux voir quelque chose changer dans ta vie, arrête de faire tous les jours la même chose. » C'est ça. Voilà. Sinon, il se reproduira toujours la même chose. Voilà, tout à fait. J'ai eu le cas de personnes que j'ai accompagnées il y a plus de 15 ans en arrière, mais qui avaient trouvé, pour ne plus être en burn-out, en fait, elles y étaient, elles ne voulaient pas quitter leur place, d'avoir des tas d'occupations, bol tibétain, yoga, machin, truc. Alors oui, ça a marché un moment, hein, ça lui a redonné la pêche, mais elle est retombée 2 fois plus bas. Ouais, c'est la tête dans le sable un peu, ça. Eh bien oui, c'est-à-dire que il faut être modéré dans tout, c'est-à-dire ni trop, ni trop peu. Mmh. Et ne pas dire, oui, je ne suis plus en burn-out ou j'y suis encore. Ou... J'entends tellement de gens qui me disent, mais j'ai replongé. Mais je réponds, c'est normal. La grande différence entre un premier burn-out et des rechutes, c'est que quand on a eu une première fois très rude, où on l'a pris en pleine figure, eh bien, après, on le voit arriver. Ouais. Et c'est toute la différence. Mmh. C'est comme quand vous conduisez l'hiver sur une route gelée. Hein? Bah oui. Eh bien, la première fois, vous allez freiner, accélérer comme un malade et vous allez vous rendre compte qu'en freinant, hop, vous allez dans le virage, vous allez dans le fossé. Eh bien, là, après, vous direz, ah, glacé, route, attention, un œuf entre mon pied et la pédale. Mais c'est là l'aspect... positif des choses, c'est qu'une fois qu'on a rencontré cette problématique, on peut l'avoir arrivée et aménager les choses en conséquence, en fait, voilà, pour éviter de ressombrer à nouveau. C'est très difficile de prendre des choix drastiques, ça marginalise, c'est sûr, mais c'est nous-mêmes avant tout, on n'a qu'un seul corps dans cette vie actuelle, et personne d'autre qui fera les choix à notre place pour qu'on se sente mieux. Et il faut se poser des questions, mais c'est tellement holistique toute cette histoire. Bah... Et en parler, c'est important. Oui. Alors, je rappellerai juste que ralentirpourvivre.org est notre site, que si vous allez sur notre site, vous avez une petite rubrique qui dit sur la première page d'accueil nous soutenir, devenir membre de l'association. Mm-hmm. La cotisation est minimum 1 euro. N'hésitez pas, ça se fait en ligne, ouais, super. Comme vous voulez. Et plus on sera de monde, c'est ce qu'on vient d'entendre, ouais, plus on se tiendra la main, plus on pourra faire avancer le sujet, en parler. Et je ne dis pas que c'est une solution, mais c'est au moins une lumière au bout d'un tunnel. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, chères auditrices et auditeurs, de votre écoute. À bientôt. Merci, Catherine. Merci, Lia.